Passez une très belle journée. Tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. La relation entre la Corée du Nord et du Sud ont franchi une nouvelle étape. Je crois que c'est l'affrontement le plus important de la guerre froide. Elle a vu ce qui s'est passé en Chine dans les années 1840. Cette semaine, la Corée. Elle a vu ce qui s'est passé au Japon une génération après, dans les années plutôt 1860. Du déchirement au face-à-face. La Corée a été divisée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Un même nom pour deux pays. Le nom de Pyongyang n'apparaît pas aux côtés de Séoul sur le logo olympique. Ici, c'est ni le communisme, ni autre chose, c'est le Kim Il-sungisme. Les Américains n'ont pas su gérer un pays qui avait 5000 ans d'histoire. Cela peut paraître curieux, mais en Corée du Nord, les formations en tourisme jouissent d'une réelle popularité. Ils vivent aussi sur un système de caste. Les femmes coréennes sont la force. C'est le modèle. C'est l'endroit où on voudrait habiter. Et même, je dirais, la compétitivité de la Corée. En juin 2010, on s'apprête à honorer le début de la guerre de Corée, une guerre de 3 ans qu'on a cru un temps pouvoir devenir la 3e guerre mondiale. 1 million, peut-être 1,5 million de morts. L'évocation d'un bombardement atomique, évoqué par le général MacArthur auprès du haut commandement militaire, puis abandonné, provoquant sans doute la révocation de ce dernier. Les documents à ce sujet n'ont pas encore été déclassifiés. Le chercheur américain Bruce Cummings est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la guerre de Corée. Il écrit « Dans des interviews parues après sa mort, MacArthur affirmait avoir un plan permettant de remporter la guerre en 10 jours. « J'aurais largué une 30aine de bombes atomiques en mettant le paquet le long de la frontière avec la Mandchourie. J'aurais ensuite amené 500 000 soldats de la Chine nationaliste au Yalu, puis j'aurais répandu derrière nous de la mer du Japon à la mer Jaune une ceinture de cobalt radioactif dont la durée de vie active se situe entre 60 et 120 années. Pendant 60 ans au moins, il n'aurait pas pu y avoir d'invasion terrestre de la Corée par le Nord. Mon plan était simple comme bonjour. » En lieu et place du bombardement atomique, les États-Unis choisiront les bombardements incendiaires massifs. L'évaluation à l'armistice des dégâts provoqués par les bombardements aériens révélera que sur les 22 villes principales du pays, 18 ont été au moins anéanties à moitié. Aujourd'hui, notre premier épisode de cette semaine consacré à la Corée sera intitulé « La guerre oubliée ». Musée Guimet à Paris, 17 décembre 1899. Sur le culte des mânes et des esprits de la nature. L'esprit, en l'honneur duquel on célèbre le culte, est en général représenté par une tablette sur laquelle son nom est inscrit et qui, pour l'occasion, est placée sur un trône, Choa. Le nom du sacrifice varie. Tiye et Sa s'appliquent au culte des esprits de la nature, le premier terme pour les esprits terrestres, le second pour les esprits célestes. Yang est réservé aux mânes. Kewi est une demande ou une annonce faite aux esprits. Pour le culte de Confucius, on trouve les expressions Qiang, Siak, Tien. Chaque terme, bien qu'offrant un sens qui lui est propre, est cependant en partie déterminé dans son emploi par les mots qui le complètent, si bien que toutes ces précédentes indications n'ont aucune valeur absolue. Maurice Courant, Bibliographie coréenne, 1894. Ils ne sont guère courants ceux qui, au XIXe siècle, comme Maurice Courant, s'intéressent à la lointaine Corée. On en parle un peu car la Corée vient de signer une alliance militaire avec le Japon. On en parle un peu, mais la Corée, pour l'Occident, est décidément trop lointaine. Et qui plus est, on prend l'histoire en cours. Une histoire qui a débuté bien en amont. Alain de Lissen, de l'École des hautes études en sciences sociales, directeur adjoint du Centre de recherche sur la Corée. On ne peut plus dire que d'un seul coup, les orages se déclenchent au XIXe siècle. Il y a eu une longue période, je dirais, d'interaction avec l'Occident qui est passée par diverses médiations, de contacts indirects. La présence des jésuites à Pékin, c'est très important. Enfin, des Hollandais, des Portugais au Japon et tous ceux qui arrivent en Corée directement lors des fameuses guerres de la fin du XVIe siècle, qui sont une esquisse de première guerre mondiale régionale à l'échelle de l'Asie. Vous savez, puisqu'en peu de temps, fin XVIe, XVIIe siècle, une grande guerre sino-japono-coréenne, mais à feu et à sang, la Corée, qui elle laissera des traces importantes dans l'imaginaire collectif et historique coréen, et sera importante aussi pour la fondation de la nation coréenne. Donc ce qui arrive concrètement à la Corée au XIXe siècle, c'est quelque chose qui a été en partie annoncé par d'autres choses progressivement. C'est plus concrètement que les Européens que l'on connaît, les Russes qui arrivent par la Sibérie progressivement, les Américains qui arrivent de l'autre côté par le Pacifique, donc pas simplement un jeu européen, mais en effet eux aussi les Européens qui se sont présentés dans les eaux coréennes assez tardivement. C'est loin, la Corée, il faut faire le tour de l'Afrique, c'est vraiment une sorte de cul-de-sac de l'Asie du Nord-Est, vue d'Europe, et qui s'y sont présentés au départ, lorsque, avant le pétrole, on cherchait essentiellement à chasser la baleine pour son huile et pour s'éclairer en Europe. Donc les bateaux sont arrivés au XIXe siècle, progressivement il y a cette sorte de pression pour entretenir des traités de commerce, pour pouvoir faire relâche pour les navires, s'alimenter en eau, en matières alimentaires diverses et variées, et à laquelle la Corée résiste, estimant que la leçon chinoise et la leçon japonaise sont défavorables. Elle a vu ce qui s'est passé en Chine dans les années 1840, elle a vu ce qui s'est passé au Japon une génération après, dans les années plutôt 1850-1860, elle dit « Regardez, ces pays occidentaux, ils arrivent avec des grandes idées d'amitié, de commerce, de droit. Nous mettons le petit doigt dans l'engrenage et rapidement, tout part à volo. Donc nous résistons. » Et quelques événements des années 1860 ont donné quelque part raison à la Corée, dont l'invasion française, je mets invasion avec plein de guillemets, de 1866, que les Coréens ont réussi à repousser, qui leur dit « Regardez, nous n'avons pas cédé et même nous les avons repoussés. Nous sommes la voie de l'Orient. Nous sommes vraiment les héritiers de la voie orientale et nous sommes habilités à résister. » Ce qui est intéressant, c'est la rencontre de cette dynamique d'un Occident qui veut être plus présent partout dans le monde pour ses propres intérêts à lui, notamment le partage du monde, et de ce qui se passe à l'intérieur de la Corée. Alors là, on rentre dans des questions très compliquées de partage du pouvoir entre les grandes familles aristocratiques, la monarchie, les lettrés, et qui fait que, en gros, autour de 1870, un jeune roi qui s'appelle Kojong, pas très préparé pour la tâche difficile qui va être la sienne, c'est-à-dire celle de conduire sa nation finalement à la tragédie de la perte de son indépendance. Un jeune roi arrive au pouvoir et sous l'influence de ses conseillers qui pensent que l'ouverture sera bonne pour la Corée et sur les conseils du grand frère chinois, conseille d'entrer dans le jeu. Donc il entre dans le jeu d'une façon intéressante, non pas en ouvrant le pays à une nation occidentale, mais à ce fameux Japon qui, une génération auparavant, s'était lui engagé dans cette voie de l'ouverture de la modernisation, qui fait toc-toc à la porte coréenne en disant « Nous voulons ces droits ». En 1876, donc par le traité de Kanwha, la Corée, alors entre guillemets, dit « s'ouvre ». Alors, elle s'ouvre à autre chose. Il est évident qu'elle n'a jamais été ni fermée, ni hermine, ni quoi que ce soit de cette nature-là. Mais elle signe un premier traité, et c'est un traité qu'on appelle « inégal », c'est-à-dire qui donne aux étrangers des droits exorbitants sans aucune sorte de réciprocité au Japon. Tout le monde se rue dans la brèche, signant des traités de paix avec la monarchie coréenne dans les années 1880, à partir de quoi la Corée devient l'enjeu, en effet, de cette géopolitique ou une sorte d'état tampon entre des états-nations qui ont besoin soit de sécuriser leur périphérie, c'est le cas de la Chine, de la Russie et du Japon, soit d'états-nations qui, européens, américains, ainsi de suite, qui jouent sur le terrain coréen leur jeu de puissance global. Alors, ce temps de soumission au Japon, donc il commence de façon informelle en 1876. Il paraît injuste à cause de sa dureté et il paraît injuste aussi à la mesure de tout l'épisode qui précède le traité de protectorat 1905 et le moment de l'annexion en 1910. Les Coréens ne sont pas restés les bras ballants depuis 1860. Jusqu'à 1910, pendant un demi-siècle, contrairement au récit standard qui en est fait, les Coréens, on va dire très rapidement, se modernisent, investissent, vont à l'étranger, envoient des missions, investissent dans l'éducation de leurs enfants, les envoient dans les universités américaines, japonaises, ainsi de suite, créent des tramways à Séoul en 1910. Enfin, en gros, il y a quelque chose qui ressemble à Meiji, à la Chine, ainsi de suite, pendant toute une période. cela a été fait trop tard, pas suffisamment et dans des conditions géopolitiques trop difficiles. Mais c'est un effort qui a été fait. Donc contrairement à ce que les Japonais disent, nous arrivons en 1905-1910 face à un pays décadent, totalement conservateur, arrêté, plongé dans le Moyen-Âge, les Coréens n'ont pas du tout été. Donc premier type d'injustice. Le second, il est bien sûr beaucoup plus traumatisant encore, c'est la perte totale de la souveraineté nationale, la perte de l'indépendance, la perte de la nationalité pour un pays qui avait été entièrement et totalement autonome, indépendant à sa façon, c'est-à-dire pas dans les formes de l'État-nation, pendant toute son histoire, c'est un traumatisme total. Sur le plan de l'épisode colonial lui-même, donc qui dure entre 1905, on va dire, pour le protectorat, et 1945, plusieurs remarques. En effet, il dure, mais c'est une durée qui est à peu près comparable, par exemple, à celle du protectorat français sur le Maroc et la Tunisie. C'est une durée non négligeable. C'est assez long, mais c'est pas comparable à l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Donc, la durée est quelque chose qui compte, notamment dans la stratégie des individus. En termes de dureté, j'ai tendance, les Coréens m'en pardonneront, à mettre un peu de distance par rapport à un pathos, par rapport à cette concurrence des victimes, qui est un peu la condition sine qua non de l'écriture de l'histoire aujourd'hui, qui fait qu'on obtient reconnaissance d'avoir souffert davantage que les autres. Ça passe par l'ignorance de tout ce qui s'est passé ailleurs. Donc les Coréens se considèrent comme étant particulièrement victimes de la colonisation japonaise. Ils se gardent bien de comparer avec ce qu'a été la colonisation hollandaise à Java, française en Algérie, etc., etc. Donc la colonisation, on est bien d'accord, c'est un truc pas très sympathique, assez difficile, assez dur. La colonisation japonaise elle-même a été particulièrement dure, difficile, longue, pour des raisons variées, mais aussi, il faut préciser qu'elle se confond, enfin il y a plusieurs périodes, y compris l'une qui éventuellement correspond à ce qu'on appelle la Grande Guerre des 15 ans au Japon. Donc entre 1930 et 1945. Donc on peut pas mélanger toutes les périodes. La manière dont les Coréens sont gérés sous un régime de guerre quelque part totalitaire entre 1931 et 1945 ne vaut pas pour la totalité de compréhension de la période, on va dire, coloniale. On a tendance dans le récit pathos que je viens de citer à rabattre une période sur l'autre, ce qui est un péché historique. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que la colonisation japonaise a été un épisode merveilleux. Voilà en gros la situation qui aboutit successivement à d'abord une rivalité sino-japonaise, on va dire entre 1880 et la première guerre sino-japonaise en 1894-1895, qui est perdue par la Chine. À partir de cette période-là, la Corée, qui jusqu'à là était un état tributaire. Alors j'insiste, un état tributaire, c'est un état qui peut faire appel à son grand frère quand il a des difficultés, mais en aucun cas un état qui est dépendant de la Chine sur le plan intérieur. La Chine perd, la Corée sort de l'orbite chinoise. Le Japon pense qu'il a gagné en 1894, et non, ça marche pas tout de suite. L'Europe réagit. L'Europe, c'est la Russie, c'est les puissances européennes diverses qui ont des intérêts particuliers là-bas, et notamment la Russie qui dit non, non, non, non. Donc s'ouvre une nouvelle décennie entre 1894 et 1904, où c'est la rivalité russo-japonaise qui domine la péninsule et qui aboutit, vous le savez donc, à la guerre russo-japonaise 1904-1905, qui, à la stupeur du monde entier, est perdue par les Russes. Après leur défaite contre les Japonais, les Russes n'ont guère le choix. Ils doivent se rendre à Portsmouth, siège des négociations. Les Russes doivent quant à eux évacuer la Mandchourie du Sud, laquelle est rendue à la Chine. Le Japon s'approprie la région de Port Arthur, une partie des îles Sakhalin et la Corée. Quelle mémoire reste-t-il de cette colonisation japonaise, Alain Delisson? Il y a, face à la colonisation japonaise qui dure, tout un éventail de réactions qui vont de, éventuellement, la résistance armée, par exemple, à la collaboration active, on va employer deux mots qui paraissent un peu anachroniques, et entre ces deux pôles bien connus, toute une gamme d'actions, d'accommodations, on va dire, bien évidemment, de la même manière qu'ont été reconstruites nos histoires nationales après 1945 par rapport à l'occupation nazie, la place de la résistance dans les refondations de l'Europe après 45, vous avez dans le récit standard véhiculé notamment par la Corée du Sud et la Corée du Nord aujourd'hui de cet épisode colonial, un surinvestissement de la résistance. Alors aujourd'hui c'est la résistance plus la souffrance. En Corée du Sud, à travers ce qui a été un événement extraordinairement important et qui a maintenant une génération, c'est-à-dire la démocratisation, la pluralisation, le récit historique a été libéré. La recherche a été libérée et on peut aujourd'hui tenir sur la période coloniale toute une variété de discours, avoir des approches qui entrent dans la vie des gens, dans les positions. Alors il y a toujours un petit côté moral, moraliste, nationaliste, qui un vernis obligé, notamment lorsqu'on a des interactions avec éventuellement des étrangers supposés ne pas connaître l'histoire de la Corée. Mais l'historiographie sud-coréenne actuelle prend tout à fait en compte tout cet éventail-là, et notamment toute cette immense population entre les résistants et les collaborationnistes, on va dire, qui sont des gens ordinaires, qui sont nés sous l'occupation japonaise et qui, souvent, ont dû dire, ben voilà, c'est pas prêt de finir. Qu'est-ce que je fais là-dedans? J'ai quelques enfants, j'ai une famille, ainsi de suite. Je dois me nourrir, je dois les nourrir, je dois les éduquer, je dois avoir des tactiques, je dois avoir une stratégie. Et le Japon a été particulièrement habile. Il a été extrêmement brutal du côté d'encadrement, surveillance policière, emprisonnement, enrégimentement de la population, mais elle était aussi assez habile pour coopter des fractions assez larges de la population coréenne, notamment en les amenant à participer à la vie économique, à la vie éducative, à la vie culturelle. Et ça va être l'une des raisons de la guerre civile coréenne. Ensuite, on est passé de la perte d'indépendance à la division nationale. Quelque part, on a encore reculé d'une période, et la division nationale, elle est en partie le résultat de ce que la colonisation japonaise, elle aura massivement polarisé à la fois le territoire et la société coréenne, sur le plan social, sur le plan des classes, sur le plan idéologique. Avec une polarisation sociale qui n'a pas eu, à cause du système colonial, la capacité de s'exprimer, de faire tout ce qui fait fonctionner un État, un pays, une société, c'est-à-dire que les conflits, les intérêts différents, les divergents, eh bien, sont médiatisés par le politique. Le politique a été confisqué par le pouvoir colonial. Donc la colonisation, en ce sens, elle est catastrophique et elle joue un rôle premier dans la division de la Corée aujourd'hui. Il y a une responsabilité de la colonisation de ce côté-là. Ensuite, le bilan, c'est un impact très considérable, à la fois sur le plan économique et culturel. Alors, sur le plan économique, on pourrait longuement discuter de, est-ce que c'est grâce au Japon? Les historiens coréens d'aujourd'hui disent, oui, mais le Japon, c'est vrai, il a apporté des grands ports, des chemins de fer, des usines, tout ça, ainsi de suite. Mais, attendez, excusez-moi, c'est ce qu'on était en train de faire avant qu'il n'arrive. Et au contraire, l'arrivée du Japon, d'une certaine manière, l'a potentialisée, l'a développée, mais en même temps l'a confisquée. Même chose sur le plan culturel, le Japon a construit des écoles, a massivement scolarisé la population coréenne, ce qui est unique dans le monde colonial de l'époque, mais il ne l'a pas massivement scolarisé pour transformer les Coréens en Coréens, mais pour les transformer en Japonais. Éducation, à vous dire, les mathématiques, ça reste des mathématiques, mais de l'autre, avec les mathématiques, il y a de la langue japonaise. Certains Coréens disent aujourd'hui, la colonisation, ça a été, au sens dérivé, un génocide. C'est-à-dire une tentative d'effacement d'une culture nationale. Dans tous les cas, l'héritage matériel de la colonisation japonaise, il est quasiment réduit à néant par la guerre de Corée. Laurent Kiesfit, spécialiste de l'histoire militaire coréenne. La fin de la Seconde Guerre mondiale est marquée en Asie par deux phénomènes qui se conjuguent. D'une part, l'avancée américaine, puisque progressivement les Américains ont débarqué à Iwo Jima, à Okinawa, ont eu des pertes assez significatives, et les Américains se sont dit qu'une invasion de la grande île japonaise du Sud, Kyushu, serait très coûteuse. Après la victoire sur l'Allemagne nazie, les Alliés se sont réunis à Potsdam, et lors de cette conférence, les Américains et les Britanniques ont demandé aux Russes, qui avaient les mains liées, si je puis dire, par un traité de neutralité et de commerce avec le Japon, que les Alliés ont demandé aux Russes d'entrer en guerre contre l'Empire du Soleil Levant. Et le calendrier s'avère intéressant, puisque 3 mois après la capitulation allemande, la Russie devait, l'URSS encore, devait entrer en guerre. Et Staline a tenu parole, mais au moment où la première bombe atomique explosait quasiment. Donc il y a eu un phénomène concomitant qui fait que d'une part, deux grandes villes japonaises ont été rasées, et d'autre part, l'armée de Mandchourie et les 2 millions de Japonais de Mandchourie étaient soumis à une très forte offensive soviétique. Les combats ont duré 1 semaine, en réalité. Les Japonais ont, dans certains secteurs, résisté terriblement, mais on ne peut pas attaquer un char T-34, si j'ose dire, au sabre, et ils ont subi de fortes pertes. Il faut surtout se rappeler que la Corée a été partagée en deux sur une carte d'état-major en fin de nuit assez rapidement par quelques officiers pour que les Russes s'arrêtant au nord du 38e parallèle, les Américains puissent débarquer au sud et désarmer de leur côté les troupes japonaises stationnées dans le sud. Alain Delisson. La Mandchourie, c'est une partie qui, pendant très longtemps, restait une partie relativement vide dans l'Empire chinois, puisque c'était, pour le coup, là, une sorte de lieu dont est originaire, vous le savez, la dynastie des Qing. Donc, non Han, non chinoise Han, qui occupe le trône chinois et le pouvoir impérial en Chine à partir de 1644, et qui, d'une façon, sanctuarise un peu le lieu d'origine de ces tribus mandchoues. Alors, c'est sanctuarisé de façon... C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'immigrer, enfin, c'est... Mais ça, par rapport à tout ce qu'il y a autour, c'est un endroit relativement vide, qui a permis que s'établissent notamment tout un tas de populations et d'activités un peu transitoires ou interdites ou parallèles. Mais la Mandchourie, c'est un territoire qui intéresse pour des raisons géopolitiques, géostratégiques évidentes à partir du 19e siècle, et la Chine et la Russie et le Japon, au titre que justement c'est un lieu carrefour de leur territoire et que c'est un territoire qui a de considérables ressources naturel. Ce lieu vide devient un lieu en jeu, un lieu dont il faut s'emparer. Pour les Coréens qui subissent à partir de 1910 la colonisation japonaise, je vous dis, c'est un lieu où ils peuvent se réfugier. Pour les Japonais, ça va devenir essentiellement un lieu dont il va à la fois falloir s'emparer pour pouvoir parer à ce qu'ils voient en permanence, qui est l'obsession japonaise, la menace soviétique communiste d'un côté, et d'un autre côté, leur dessein d'expansion sur le continent. Et ce qui ne va rien gâter, ça va être une manière d'en finir avec la résistance coréenne installée là. Septembre 1931. L'engin a fait sauter une section de voie ferrée, propriété de la Société japonaise des chemins de fer de Mandchourie du Sud. Attentat vraisemblablement planifié par les Japonais. Leur crainte, une unification de la Chine. Publiquement, les Japonais accusent les Chinois du forfait. Ils ont leur prétexte, l'invasion immédiate du sud de la Mandchourie. Alain Delisson. Le droit international, la SDN, ainsi de suite, eh bien, ne reconnaissent pas aux Japonais, d'une part, le droit d'être présents en Mandchourie, et encore moins l'État qu'ils y ont créé. Donc le droit international, la Société des Nations, refuse cet État. En ce sens, il n'a aucune existence. C'est un État fantoche, ainsi de suite. Le Japon, vous vous en souvenez, ne s'en familiarise pas. Il quitte tout simplement la SDN. Laurent Kiesfitt. Les Coréens ont, dès le départ, subi de plein fouet les conséquences de la guerre sino-japonaise d'abord, puis de la guerre russo-japonaise. Et à l'issue de la guerre russo-japonaise, le roi de Corée a été contraint, sous la menace, de céder ses affaires étrangères au Japon. Donc la Corée était devenue protectorat, et malgré quelques résistants, le Japon s'est emparé définitivement et a instauré un régime assez fort en Corée. Le roi de Corée s'est retrouvé très vite prisonnier, il était déjà un peu, ça a été pire, et en 1919, à sa mort, les patriotes ont manifesté dans les rues de Séoul au cri de l'indépendance coréenne. Le mouvement, bien que pacifiste et non violent, a été réprimé dans le sang. Il y a eu des vagues d'émeutes anti-japonaises dans tout le pays. Et quelques intellectuels sont partis à l'étranger, fondés à Shanghai notamment, un gouvernement en exil. À l'époque de 1945, il y a, à la capitulation japonaise, un gouvernement provisoire de la Corée qui est fondé à Séoul, qui s'appuie en partie sur des comités populaires autoproclamés, beaucoup de personnalités nationalistes ou légèrement à gauche en font partie, à Pyongyang également, autour de Chou Man-shik et autres nationalistes ou socialistes. On a des groupes politiques qui se forment petit à petit, mais qui vont être très vite remplacés par, d'un côté, les hommes de Moscou, à Pyongyang, mais qui sont aussi, étrangement, les hommes de Mao, et au sud, une suppression totale de la classe politique qui n'est pas acceptée, qui n'est pas reconnue par les Américains, qui ont décidé d'installer un régime de tutelle. Les Américains n'ont pas su gérer un pays qui avait 5000 ans d'histoire. Ils ont considéré que la Corée était une partie du Japon, en quelque sorte. Et en quelque sorte, la Corée a été divisée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Elle a été divisée de manière totalement arbitraire, provisoire. Et le provisoire, du fait aussi des blocages liés au développement de la guerre froide de la commission mixte soviéto-américaine, rien n'a pu se développer pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici. Et les négociations soviéto-américaines ont connu un échec. Notre épisode était intitulé « La guerre oubliée ». Demain, la suite de ce retour à l'histoire concernant la Corée, cette semaine est mise en onde par Jérôme Nussbaum. Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Jérôme Nussbaum, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.